donc un peu les filles. Allez, vous marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr. Bienvenue dans cette nouvelle émission Johnny de A à Z, la 587e. Je suis très heureux de vous retrouver et aujourd'hui, nous aurons une petite thématique. La thématique, ce sera les versions alternatives de Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'une version alternative ? Ben, c'est très simple, on l'appelle alternative en chanson, c'est une interprétation ou un enregistrement différent d'un titre est déjà existant. Elle peut prendre plusieurs formes selon le contexte. Une prise différente en studio, parfois plusieurs enregistrements d'un même morceau sont réalisés. Et une version alternative peut être une take, hein, une prise différente de celle sortie officiellement. Ça peut être aussi un arrangement ou un mixage différent. Par exemple, un autre choix d'instrument, une orchestration plus dépouillée, un mixage avec des voix ou instruments mis en avant différemment. Il y a aussi les versions démo, hein. L'artiste enregistre une maquette plus brute qui peut être publiée plus tard comme version alternative. Aussi, nous avons aussi les versions alternatives avec des paroles ou des couplets différents. Hein. Certaines chansons ont connu des modifications de texte avant leur sortie et une version alternative peut garder les paroles originales. Il y a également les versions live ou acoustiques, hein, quand un artiste revisite son morceau sur scène ou en session spéciale, piano-voix, acoustique, symphonique et d'autres. Cela peut être présenté comme une version alternative. En résumé, c'est une façon différente d'entendre le même titre qui montre une autre facette du travail de l'artiste ou un choix de la production. Et pour aujourd'hui, on va écouter que des versions alternatives de Johnny Hallyday allant de 1960 jusqu'à 1986. Et là, on va directement en 1960. Johnny, fraîchement signé chez les disques Vogue, entre en studio. Les techniciens nullement habitués au rock'n'roll enregistrent tout en prise directe et en stéréo, ce qui donne une incroyable spontanéité aux séances Vogue. Les musiciens de jazz mandatés par la maison de disques sont Marcel Bianchi à la guitare, Léo Petit à la basse et Teddy Martin à la batterie. Il joue sans partition, à l'oreille, et Johnny chante avec eux sans re-recording. Son aisance en studio est remarquable, surtout pour un débutant. Les prises différentes, entendues avec les passages parlés de Johnny, sont éloquentes. Il fait preuve d'une maturité formidable et assure comme un pro alors qu'il sort tout juste de l'adolescence. On va écouter trois titres où Johnny enregistre une chanson, mais il y aura plusieurs prises de fête pour plusieurs titres. On va écouter « Je suis mordu, bien trop timide » et « À New Orleans » en version alternative. C'est l'émission de ce soir. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Ah, oh. Yeah. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Ah, oh. Yeah, ah, yeah. J'suis mordu pour un petit oiseau bleu. Ça me travaille autant que ça peut. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un petit fichu. Ah, ah, j'suis mordu. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat. Ah, oh, yeah, ah, oh, yeah. J'suis mordu pour un petit oiseau bleu. Ça me travaille autant que ça peut. Ça a remis dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un type. Qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 1, 2, 3. Ça a remis dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat. Ah, oh. Yeah, ah, oh, yeah, j'suis mort. un petit oiseau bleu. Ça me travaille autant que ça peut. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat à fond. Voyez l'oreille, je tâche la latine fichue. Je suis mordu. Yeah, ah, yeah, ah, yeah. Elle a l'air de ne pas y toucher, mais croyez-moi, faut s'en méfier. Sinon vous ferez comme moi, vous serez les frappes en croix. Voyez l'oreille, je tâche la latine fichue. Je suis mordu. Yeah. Elle a des yeux étranges, vous croyez voir un étrange, mais ne vous effraie pas car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. Je suis mordu. Un petit oiseau bleu, tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors plus de la nuit, je suis tout rabougri et tout sarsoré. Je suis fichu, je suis mordu. Qui peut être monstrueux. J'suis mordu pour un petit oiseau bleu, tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors plus de la nuit, je suis tout rabougri et tout ça s'enraye. Je t'attends, j'suis fichu. J'suis mordu. Yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, et il y en a d'autres prises de ce, pour ce morceau-là, plusieurs prises. 3, 4, 2, 1, 2, 3. J'ai raté le début, on recommence. Bien. Oui, bah allez-y. Quand vous voulez. 1, 2, 1, 2, 3. baiser n'était que de la pitié. Vers un autre destin. Bien trop timide, passons maintenant à New Orleans. Tout à fait, exactement. Vous écoutez ce soir dans l'émission Johnny 2 à Z les versions alternatives, quelques versions alternatives de Johnny Hallyday au cours des sessions de 1960 jusqu'à 1986. Et là maintenant, nous sommes en 1962. Johnny découvre l'Amérique grâce à sa nouvelle maison de disques Philips. Il y fera deux séjours en 1962. Le premier en février et le second en mai. Il y enregistrera un album, Johnny Sings America's Rocking Hits, et aussi des titres qui resteront au placard pendant 30 ans et d'autres qui seront de grand succès. On va commencer par le titre Je t'écris souvent avec des paroles alternatives ainsi que la chanson Moi cette fille là qui est autrement dit sous d'autres paroles a été connue avec le titre À 2 heures de chez toi. Je t'écris souvent, je pense à toi. Chaque seconde, mais je ne sais pas si tu comprends combien je t'aime. La nuit se souvient séparer en espérant se retrouver. Je t'écris souvent, je t'aime encore, que faut-il faire? Je voudrais mourir, il faut souffrir sur cette terre. Tu ne réponds pas, je suis tout seul, ma vie, ma peine. Ta voix près de moi te serrer dans demain je pars vers les casernes. Oui, je t'attendrai la nuit et le jour, puisque je t'aime. Perdu ma vie. Tu as perdu ma c'est fini, c'est la fin de ma vie, celle qui m'aime loin d'ici. Et si tu es mon ami, oh dis-lui je t'en supplie que je l'aime aussi. Mais moi cette fille-là, je la connaissais déjà. C'est elle qui murmurait dans mes bras qu'elle m'aimait, comme à tant d'autres elle répétait. Il me disait l'instant est venu, tu vois je suis perdu, elle est bien seule aujourd'hui. Et toi qui es mon ami, si tu la vois dis-lui que je l'aime aussi. Mais moi cette fille-là, je la connaissais déjà. C'est elle qui murmurait dans mes bras qu'elle m'aimait et que son cœur pour moi battait. Il me disait, oh comme elle est jolie, hélas autant que lui, je le savais bien aussi. Il me croyait son ami, me parlait de sa vie, mais je l'ai trahi. Car moi cette fille-là, elle s'est aussi moquée de moi. Maintenant je sais qu'un jour elle oubliera mon amour quand je partirai sans retour. Je n'ai rien dit à mon meilleur ami pour qui tout est fini. Je l'ai laissé dans sa nuit. Pour lui tant qu'il faudra, je ne reverrai pas cette fille-là. Cette fille-là. On reste dans les sessions en Nashville de 1962 avec deux titres. Pas cette chanson et les bras en croix. Autrefois, oublie-le s'il le faut, ne touche

de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partner, de parler comme ça. Ces quelques pleurs me sont chers. En regardant ses yeux, qu'elle ne pense pas à tout ça. Et de la revoir, prenez l'espoir. Cette fille, entre mes bras, entre mes bras, m'offre la joie. Excuse-moi, partner, de t'interrompre ainsi. Mais oui, ailleurs il te faudra chercher, il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille-là, de t'interrompre ainsi. Cette joie entre nous, l'ange n'est dansé avec personne. Oui, l'ange l'ai vu devant moi. Allons-y, cet amour entre nous. Non, je ne danse avec personne depuis que je l'ai vu devant moi. Depuis que je l'ai vu devant moi. Depuis que je l'ai vu devant moi. John Hallyday en prise directe avec deux titres, Excuse-moi partenaire, et là à l'instant, quand je l'ai vu devant moi, When I Saw Her Standing There, des Beatles, bien entendu. On reste toujours en 1963 dans la session Nashville, et on va retrouver encore deux titres, Pour moi tu es la seule et Les mauvais garçons sur RG. J'en ai vu beaucoup, dis-toi, de ville en ville, mais jamais sur mon chemin une fille comme toi. Trouver mieux, cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas. Car pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Yeah, yeah. Ta façon, oui, de m'enlacer, c'est me troubler. Ta façon, oui, de m'embrasser, me fait crier. Pour moi, tu es la seule. Oui, pour moi, tu es la seule. T'es si jolie, mieux que ces filles dans les journaux. Pour te voir, les garçons arrêtent leur auto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie. Car pour moi, tu es la seule. Vraiment la seule. Vois-tu, ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait rêver. Et pour moi, tu es la seule. Yeah. Ces filles dans les journaux. Pour te voir, les garçons arrêtent leur auto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie. Car pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Yeah, yeah. Ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, mais fais rêver. Et pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Oui, tu es la seule. Avec l'espoir, il faudrait alors l'offrir sans retard. Oui, on leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt. Pourquoi tous les mauvais garçons serrant le poing ne sont pas méchants, je le sais bien. Il faudrait connaître un peu de la vie aussi. Les mauvais garçons, les mauvais garçons. En 1963 également, Johnny tourne le film D'où viens-tu, Johnny ? D'où est tirée la chanson Pour moi la vie va commencer. Mais il existe une version alternative de ce titre-là avec des paroles tout à fait différentes. Et le titre s'intitule J'ai retrouvé la joie d'aimer, qui devrait un jour ou l'autre sortir en officiel. gardé mon cœur enfant. J'ai retrouvé la joie d'aimer. Sur le chemin du temps passé, en reconnaissant ma très vie, et je n'aurais pas dû quitter, j'ai retrouvé ma liberté. Je m'endormirai. J'ai retrouvé la joie d'aimer. J'ai retrouvé la joie d'aimer. J'ai retrouvé la joie d'aimer. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, allez, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça? Comme tu dis, la vie, c'est le métro à 6 heures, et chacun pour soi. Pour toi, Joe, y a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi? Hey, hey, Joe, pourquoi t'as de la chance, plein les doigts? Hey, hey, Joe, en laissant ta marche dans quoi? T'as toujours les poches pleines. De l'année. Dis donc, ma parole, on en oublie que t'es si laid. Ah! Moi, Joe, tu vois, je n'ai plus rien. Tu pensais avoir une fille bien à moi. Mais il paraît, Joe, qu'il dort maintenant. La version de Johnny de Hey Joe, 1967, ça c'est une version alternative. Sauf que l'erreur, ce titre-là, cette version alternative est sortie en 1993 dans le livre. Le livre, vous savez, avec la grosse couverture en plaque, une plaque à une sorte d'aluminium ou je sais pas quoi. Et il avait été dit que l'introduction a été jouée par Jimi Hendrix. C'est faux, c'est tout à fait faux ça, c'est joué par Mickey Jones. Nous sommes à présent en 1969, c'était au studio Olympic Sound de Londres où Johnny enregistre l'album blues rock électrique Rivière ouvre ton lit. Et l'édition du livre disque 69 chez Universal Music en 2020 regorge de versions alternatives et d'un titre inédit et d'une adaptation aux paroles différentes. Voici justement cette adaptation aux paroles différentes. C'était la chanson Le fou du Colorado et qui est devenue Je suis non violent, ou qui était peut-être à la de base Je suis non violent. Je n'empoisonne pas d'existence, je ne viole jamais de serment, je ne donne pas ma tête à couper, nom d'un juge, je suis non-violent. Je n'ai jamais frappé les portes, battu des cartouches, des tapis, je n'ai jamais tué le temps, nom d'un flic, je suis non-violent. C'est vrai, j'ai les dents du loup et les griffes du tigre, et comme j'aime bien vivre libre, quand on veut m'apprivoiser, mes colères sont terribles, et ça fait mauvaise impression, et j'ai mauvaise réputation, pourtant je suis vraiment non violent. Je ne bats pas les blancs en neige, des jaunes je ne fais pas d'omelette, je n'ai jamais broyé du noir, nom d'un soldat je suis non violent. C'est vrai j'ai les dents du loup et les griffes du tigre, et comme j'aime bien vivre libre, quand on veut m'apprivoiser mes colères sont terribles, et ça fait mauvaise impression, et j'ai mauvaise réputation, pourtant je suis vraiment non violent. Oh! Si parfois je noie un chagrin, si parfois j'étrangle un sanglot, c'est bien contre ma volonté, nom d'un amour je suis non violent. La la la la la la la la, nom d'un amour je suis non violent. Nom d'un amour, je suis non violent. Nom d'un amour, je suis non violent. Nom d'un amour, je suis non violent. Oh non, non. We'll be right back. Réclamation de John Hayden en 1969 sur l'album Rivière ouvre ton lit. C'était une version alternative, donc avec voix différentes. On va retrouver encore deux titres avec des voix différentes. Rivière ouvre ton lit, par exemple, et le titre Voyage au pays des vivants. C'est dans l'émission Johnny de A à Z. Je te connais, tu es très belle, tu es comme une femme. Allez, je te connais, tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. On croit trouver le ciel en toi. De fous dans leur douleur t'ont choisi pour maîtresse. Je sais combien d'amour avant le mien sont morts sans une messe. Oh, rivière, ouvre ton lit. Rivière, ouvre ton lit. Yes, ma'am. Ça. Une question simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Holiday by Holiday. Johnny et la publicité. Et les versions alternatives pour Optique 2000. Je le sais bien, avec leur façon de cinéma d'autrefois. Les mauvais garçons de l'ombre noire voudraient une fille avec l'espoir. Optique 2000, un prix défi. 99 euros seulement la collection IGOM à branche tournante. Optique 2000. Les bras qui se lèvent pour un dieu qu'il ne voit pas. Moi, tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Vivre pour le meilleur, je vous... Innovation Optique 2000. Collection IGOM à branche tournante, 99 euros seulement. Optique 2000. Laetitia, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. J'ai décidé, mourir d'amour gêné. La nouvelle collection Optique 2000, c'est pour tous deux paires pour seulement 159 euros. Optique 2000. Adaptation récente, et puis voilà, quelques modifications un peu dans les paroles, comme du genre Laetitia au lieu de Gabriel. Allez, on reprend un peu la playlist que vous avez concoctée sur les versions alternatives de Johnny Hallyday entre 1960 et 1986. Et cette fois-ci, nous sommes en 1970. Les sessions d'enregistrement de l'album V de 1970, enregistrées également à l'Looping Sound Studio de Londres et qui propose également des versions alternatives. Voix prise alternative sur Poème sur la 7ème et je vous propose également La fille aux cheveux clairs avec une voix alternative. Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière?

Nous sommes maintenant en 1971 et Johnny retourne dans l'Olaping Sound Studio de Londres où il enregistre l'album Flagrant Délit. On y retrouve également, grâce au livre disque paru en 2024, trois prises alternatives du genre L'autre moitié, Si tu parles la première et Tant qu'il y aura des trains. Avions rouges et blancs, et blancs, et qu'il y a des téléphones dans tous les appartements. Demande, allez un peu de l'autre côté, voir comment vit l'autre moitié. Il y a encore des terrains vagues avec des gosses en salopette. Oh oui, il y a encore des trous dans la terre. Cherche du charbon, charbon, et qui pour pouvoir s'échapper apprendront un jour à boxer. Pas besoin de faire des kilomètres pour voir l'autre moitié. Détachez vos ceintures, détachez vos ceintures de sécurité. Si vous croyez que toutes les femmes sont des hôtesses en rouge et blanc, et la radio Johnny Hallyday, Johnny de A à Z, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et là, on écoute les versions alternatives de Johnny Hallyday de 1960 jusqu'à 1986. Thank you. attends-nous à l'hiver. Je t'adresse ma prière, ne me laisse pas en arrière. Le jour, la nuit, au soleil ou à l'ombre, en plein juillet ou dans le 3 décembre, laisse-moi avec toi franchir l'ultime barrière. Je ne sais pas quand l'amour viendra te prendre. j'étais militaire, avec mes bottes et une paire de lunettes fumées. Quatre mouchoirs, un chandail noir et les lettres de mon frère qui est parti pour la guerre et que je n'ai jamais remplacé. Je n'ai jamais remplacé. Je n'ai jamais remplacé, que je n'ai jamais remplacé. Là, nous passons maintenant à 1972 pour ses versions alternatives. Lors du nouveau mixage de l'album Country Folk Rock en 2025, Universal avait trouvé deux versions alternatives de Johnny Hallyday chantant sur le titre Joe La Ville et moi et Ma main au feu. Xavier Perrault nous parle donc de deux versions alternatives issues de ces sessions. Mais il y a une surprise dans cette histoire de l'enregistrement de ce disque, c'est qu'on a retrouvé une bande qui n'apparaît nulle part dans les sessionographies de Johnny. Qui est une bande qui est faite au Morgan Studio. Morgan Studio, c'est un studio anglais de réputation qui n'est pas très très vieux, mais qui, quand on regarde un petit peu les musiciens, les chanteurs, les interprètes qui sont passés, il y a une belle liste de grands artistes. Et Johnny va y faire deux titres, notamment avec B.G. Cole à la steel guitar, deux titres emblématiques de la nouvelle collaboration qu'il a démarrée avec Michel Mallory, Joe La Ville et moi et Ma main au feu. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, quand je parlais de ce cap sur les États-Unis vers lequel Johnny se destinait, eh ben là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, comme on le sait, Michel Mallory, lui, est un amoureux de la country, du blues, mais beaucoup de la country. Ils diront, on le sait plus tard, enregistrer là-bas, à Nashville, etc., aller au bout de leurs rêves, j'ai envie de dire. Oui. Mais là, c'est le point de départ. Parce que les deux titres sont vraiment dans un jus pure country. D'abord, les deux versions sont vraiment magnifiques. Et on comprend en écoutant ces deux titres que voilà, il y a un truc, il y a une amitié et une collaboration qui est née. Et donc, tous les deux ont en commun, chacun à leur façon, un rêve américain. On avait bien, Joe et moi, 10 dollars chacun, et l'adresse d'une ou deux filles dans un wagon à bestiaux. On a pris le train pour voir ce qu'était une ville. Pendant 2 jours en roulant, on s'est préparé tout en se cachant sous la paille. Quand on l'a vue, ce fut comme un coup sur le nez. Elle nous a pris dans ses murailles. Pour ne pas être un étranger ici, ce n'est qu'une question de prix. Les faux amours, les faux amis et le reste, tout ça se paye en arrivant. Les 10 dollars n'ont pas duré plus d'un repas. Les filles avaient changé d'adresse. Joe a failli se bagarrer 2 ou 3 fois pour son accent et pour le reste. Pour ne pas être un étranger ici, ce n'est qu'une question de prix. Les faux amours, les faux amis et le reste, tout ça se paye en arrivant. On avait bien, Joe et moi, 10 dollars chacun, et l'adresse d'une ou deux filles. mais on n'a plus jamais retrouvé le chemin. Et on s'est noyé dans la ville, mais on n'a plus jamais retrouvé le chemin. Et on s'est perdu dans la ville. Quelqu'un dit que tous les hommes venaient au monde égaux entre eux, et que l'argent ne les rendait pas plus heureux. J'en mettrai pas ma main au feu. Je crois en ton amour sincère. Ouais. Je le vois briller dans tes yeux. Mais quand tu dis qu'il vivra autant que nous deux, j'en mettrai pas ma main au feu. Parfois pour oublier ma haine, j'ai dû vraiment faire de mon mieux. Étendre l'autre joue pour qu'on me frappe un peu. Là, j'en mettrai pas ma main au feu. Ouais. Je sais que tu es la plus belle. Mes amis me l'avouent des yeux, qu'il n'y en ait pas un parmi eux qui soit envieux. J'en mettrai pas ma main au feu. Non, je trouve la terre bien trop belle pour que des fous la cassent en deux. Tous les hommes du monde en ont une peur bleue. Là, j'en mettrai ma main au feu. Tous les hommes du monde en ont une peur bleue. Là, j'en mettrai ma main au feu. Voici encore deux versions alternatives, voix alternative de l'album Country Folk Rock. Oui. Nouveau, cette fille-là, vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. Dans tout ce monde autour de moi, et du temps passé déjà, à pleurer ou bien à rire, rien ne vaut. Cette fille-là, j'ai tout le meilleur. Son corps et son cœur. Son corps et son cœur. J'ai son âme. Et j'ai son corps et son cœur. Elle dit les mots qu'il faut. Son corps et son cœur. Avec son cœur. Détruit avec ses peines, et elle comprend tous mes ennuis, sans avoir besoin de dire je t'aime. Son amour c'est du soleil dans la nuit. Ça va bien. bien, ça va mal, elle m'écoute. Elle est toujours là, je le sais. Et si dans son cœur vient, vient quelques doutes, sa porte n'est jamais fermée. Vous écoutez l'émission Johnny 2 à Z ici sur RIG le mercredi de 22h à minuit. Et dans cette émission, la 587, on écoute des versions alternatives de Johnny Hallyday de 1970 jusqu'à 1986. Là, nous passons en février 1975. Johnny effectue un nouveau voyage à Nashville avec ses deux compères, Long Chris et Michel Mallory, pour l'enregistrement de l'album La Terre Promise sur la réalisation de Shelby Singleton. Je ne fais que passer. Ah oui, je suis chez moi, là où on m'aime. Ailleurs, je suis un étranger. De temps en temps et de ville en ville, je finirai bien par trouver. Oh, une autre ville et un autre hôtel et une autre fille à aimer. Et je ne me souviens plus d'elle et son nom, je l'ai oublié. Ah oui, je cours toujours après l'amour, mais la vie va me rattraper. La terre promise n'est pas toujours là où l'on croit bien la trouver. J'ai usé ma vie et mes potes sur les montres du monde entier. Elle chantait plus de chansons que vous en avez écoutées. J'ai cru trouver la terre promise quand j'ai cru rencontrer l'amour. De solitude en solitude, je finirai bien par trouver. Avant de perdre l'habitude de conjuguer le verbe aimer. Oh oui, la fille et la terre promise, je cours après depuis toujours. Tant pis si j'y perds ma chemise, si je peux y trouver l'amour. Woo! Je ne sais pas m'arrêter. Oh oui, je vais où mes chansons m'entraînent. Je ne fais que passer. Oh oui, je suis chez moi, là où on m'aime. Ailleurs, je suis un étranger. Et de train en train et de fil en ville, je finirai bien par trouver. Wow! La version alternative de La Terre Promise, et là on va retrouver la version alternative de La Première Fois. Moi j'avais peur, toi tu tremblais, du fond du cœur, tu m'appelais. Et cette nuit, j'étais pour toi, la première fois. Je découvrais un peu de toi, du bout des yeux, du bout des doigts. Ton premier cri, ce fut mon nom. La première fois, on s'aimait tant, on s'est tout donné. Une femme était née dans mes bras pour moi. On se cherchait, on se trouvait, on s'attendait et on s'aimait. C'était bien plus que de l'amour, la première fois.

La version alternative de, avec des paroles différentes de Requiem pour un fou qui a été édité donc sur le livre disque Day à l'amour en 2016. Et en 2012 étaient sorties également des versions rares ou inédites. C'était le cas de la chanson C'est mieux ainsi en version alternative. J'avais tout pour devenir quelqu'un, pour filer tout sur le droit chemin. Mais j'avais en moi, je le crois bien, quelque chose en plus, ou peut-être en moins. Et c'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Bien souvent, j'ai envie de t'écrire, mais à quoi bon, je n'ai rien à dire. Il faut croire que le temps fait du bien, emporte loin plaisir et chagrin, et c'est mieux ainsi. Oui, bien mieux. Quelquefois, elle te ressemble un peu quand le soleil fait briller ses yeux. Quelquefois, j'ai peur de découvrir un peu de toi au fond de son sourire. Elle n'a pas pour me brûler le cœur après l'amour, ton regard vainqueur. Mais elle prend ma tête entre ses mains, elle reste là et je l'aime bien. Et c'est mieux ainsi. Oui, bien mieux. Tu pourrais donner signe de vie, mais ne va pas croire que je m'ennuie. Pour que je sois quelqu'un, elle m'aimera même après-demain. Et c'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Petite rétrospective sur les versions alternatives de John Hallyday de 1960 jusqu'à 1986. En 1993, dans le coffret de la guitare, hein, la guitare collection, le chef de projet de l'époque, Jean-Yves Billet, insère par erreur deux versions alternatives sur l'album Drôle de métier. Il s'agit des titres Toi t'es toi et Mon petit loup. L'erreur a été reproduite en 2011 pour la collection officielle Johnny Hallyday 50 ans de carrière et 50 ans de légende, mais corrigée en 2017 dans le coffret Hallyday officiel, official, si vous préférez, de 1976 à 1984. On écoute ça, puis après on aura un petit duo Johnny Hallyday et Carl Perkins en version alternative également sur le titre Blue Suede Shoes. Pour sortir un disque d'une, de 10 chansons, par exemple, j'en enregistre 30 de chansons, et puis j'en jette 20. Sans doute que le jour où je mourrai, ben sans doute que mes gens de disque les sortira. C'est normal, ils ont payé pour ça, et ils les ont en réserve. Alors je pense qu'ils auront une sacrée réserve pour le jour où je prêterai. Johnny et Carl Perkins, ensemble, enregistrent Blue Sweat Shoes. It's one for the money, two for the show. Better get ready now, go cat, go, but don't you devil my blues sways you. You can do anything, but lay hard on my blues sways you. Go, Georgia, knock me down, stamp on my face, shout my name all over the place. We're doing a thing that you wanna do, but honey, lay hard for my shoes, but don't you, yeah, step on my. I hear you, boy. Well, you can do anything. Lay off of my blues suede shoes. Come on, hey, shot. Here we go. Yeah. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, yeah. But I'm on John Lee off of them shoes and home with you. Devil my blue suede shoes, blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Come on, let's lock it again. Dig it. For the show, till you get ready now. Go, go, go, got you. Step on my blue suede shoe. Yeah. Well, you can do anything, but lay off my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, a blue suede shoe. Blue, blue, a blue suede shoe, baby. Blue, blue, a blue suede shoe. Blue, blue, a blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. On ne connaît qu'une seule version alternative de l'album Rock'n'Roll Attitude de 1985. Et c'est le titre Aimer Vivre qui est apparu en version longue, voix alternative, sur la coffret Johnny History sorti en 2012. C'est écrit dans tes yeux, quand tu parles de ta vie. C'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux. Rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton cœur qui bouge, c'est ton cœur qui fait tout. Je veux te voir changer. Partir loin dans la musique. 16e de cette émission spéciale Versions Alternatives, dans cette émission Johnny 2 à Z, la 587e. J'espère que cette émission vous aura plu. Vous écouterez le podcast dès demain ou après-demain. En principe, ça va se faire assez vite. Et je vous remercie vous êtes tous pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour une nouvelle émission de Johnny 2 à Z avec un album de la semaine. A bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.